Exercice 4, page 34. A. Il part en Italie. B. Il va chez une copine. C. Il mange sans appétit. D. Il dort dans un grand lit.